Audiomatique. pour amorcer la transmission 5-3-2 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le duo islandais Kiasmo, formé de Olavur Artnach et Janus Rasmussen. De son mini-album intitulé Loop EP et paru en 2015, nous écoutions la pièce Burnt, qui a été ici reconstruite par le compositeur et pianiste ukrainien Lubomir Melnik. Audiomatic se poursuit maintenant sur une version que nous offre le groupe Noi de la chanson La Bamba. On rappelle brièvement que la version originale de La Bamba a été développée par les esclaves africains à Porto Rico à l'époque coloniale. Le groupe Noi, connu pour son engagement politique, a ajouté la mention Stop Apartheid Worldwide au titre original de la pièce pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud qui était encore en place à l'époque des sessions d'enregistrement de l'album sur lequel se trouve la pièce, enregistrement qui a lieu en 1985 et 86. Alors, en résumé, voici La Bamba, Stop Apartheid Worldwide, interprété par le groupe Noi. cambia conmigo y verás que mi amor es magnético. Luz y energía que es fantástico. Que hace vibrar a mi corazón. Vive la vida de todo este amor cibernético. Working for life, we are battling for fighting alone. À Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le groupe Die Krupps avec sa composition Gladiator tirée de l'album Entering the Arena, paru en 1985. Avant Die Krupps, c'était la formation Los Rollers qui nous offrait sa composition Amor Cibernético, qu'on peut retrouver notamment sur la compilation Viva el Sábado, Hits de Disco Pop Peruano, qui regroupe des pièces de style disco pop composées par des formations péruviennes entre 1978 et 1989. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe allemand Neu qui nous offrait sa reprise de la célèbre pièce La Bamba. On peut retrouver celle-ci sur l'album Neu 86. Allons-y maintenant avec une composition jouée par l'orchestre de Duke Ellington. Thank you. À Audiomatic, nous venons d'écouter la formation Cannes et sa composition Uphill tirée de l'album Delay. Officieusement, il s'agit du premier album de Cannes enregistré en 1968, mais qui est finalement sorti seulement en 1981. Avant cela, nous entendions l'orchestre mené par le trompettiste Duke Ellington qui nous jouait la pièce Skin Deep qui met de l'avant le batteur Louis Belson. Les sonoristes ont tiré cette composition du vinyle 7 pouces intitulé Skin Deep de Mooch, publié en 1953. En conclusion de cette transmission 5-3-2 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le compositeur allemand Thorsten Quesching, qui est peut-être mieux connu comme étant un des membres de Tangerine Dream depuis 2005 et qui en est le leader depuis 2013. De son album intitulé Amma et qui est sorti en 2021, nous entendrons la pièce Nachtahotgang am Werk. Erateten Felsen. La musique se retrouvant sur l'album Amma a été composée pour le spectacle de danse contemporaine Amma, monté par la chorégraphe japonaise Yoriko Maeno. Les sonoristes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 533 d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Thorsten Quesching et la pièce Nachtahotgang am Werk Felsen. C'était Audiomatic avec les sonoristes.